Ça gaze ? Ça va ? Oh, président ! Ça va, vous allez bien ? Merci. Encore merci pour la dernière fois. Vous m'avez sauvé la vie. Et vous allez entraînement avec nous ? Oui, oui, oui. Là, c'est pas possible. Hier, je me suis tiré l'adducteur en faisant tennis ballon avec Zizou. Oh, putain, comment il est ? Zizou, comment il est ? Très, très sympa, Zizou. Ouais. Tous les samedis matin, on fait la belote, on prend Tutu et Lisa, on les fracasse. Oh, oh, 50 euros l'autographe, les gars. Eh ouais, 50 euros l'autographe, c'est pas pour moi, hein. C'est les associations, France 98, hein. Contre la Dibeco viscidose amputatoire, contre la Montbazilou dystrophie dégénérative. La Montbazilou dystrophie. Ouais, c'est une maladie génétique, c'est des enfants, et là, ça a les pieds croissants. Oh. Bah, y'a personne qui veut les photos, là. Ah, oui, oui, oui, oui. 100 euros la photo, hein, les gars. Putain, mais c'est cher. C'est pour les enfants, les associations, oh, quand même. Hein. Voilà, on va le mettre sur le blog de l'After dès que ce sera disponible. Faut juste quand même rappeler que dans cet épisode qui est très sympa, il se fait passer pour Christophe Dugarry. Non, je me fais pas passer. Le président de son club m'a pris pour Christophe, Christophe Dugarry et l'a invité à venir. Et donc c'est un rôle de composition. Il est bon comme acteur, Julien. Je joue un Marseillais qui parle fort et qui escroque. Rôle de composition. Voilà, bien sûr. C'est incroyable. Ah ouais, c'est vrai, je sais pas qui a écrit les scénarios de cette série, mais je sais pas. Le mec qui a écrit ça, il a beaucoup d'imagination. Mais en tout cas, il m'a bluffé, moi, franchement. La Montbazilou, c'est quand même, c'est ma part. Tu joues bien. J'ai écrit certaines. Dégénérative et la Dimeco viscidose, c'est lui. Ouais. C'est des maladies qui n'existaient pas. Et, mais encore, enfin, je ne sais pas. Visiblement, j'ai regardé. Oui, la Montbazilou dystrophie, ça existe. Les pieds en croissant, ça existe. Elle existe. Le côté acteur studio, c'est d'avoir. Mais c'est quoi le concept des pieds en croissant? Je comprends pas. Bah, les pieds comme ça. Un croissant. Tu peux pas taper dans le ballon. Tu peux pas taper dans le ballon. Tu peux faire des frappes enroulées, c'est tout. C'est-à-dire que quand tu vises Carry et le rouet, tu le ballon arrive à Cassis. Attends, si t'es de dos, si t'es de dos à la bonne mer ou si t'es de face. Si tu regardes quand tu es à Marseille, tu regardes la mer. Le mec qui vise Cassis, tu vas Carry. Voilà, côté du ouais, tu es en face, voilà quoi. Si tu es en face, oui, parce que tu es Jean-Pierre Foucault, quoi. Exactement. Et c'est dur d'avoir pris quand même un Marseillais pour jouer le rôle d'un Bordelais. Ça déjà c'était. Non, mais parce que le problème c'est que en fait, comme beaucoup de gens, moi, à chaque fois, ils me disent ouais, il est sympa Dugarry à Beansport. Alors moi, je lui dis bon, on va faire un épisode où c'est Dugarry, parce que visiblement les gens. Moi, un de mes potes, Max, réalisateur, la première fois qu'il a vu, il a dit putain, non, il était à une soirée Canal, il a vu Dugarry, il a dit putain, elle était géniale sur RMC et tout, et en fait, il les a confondus. Merde, c'est pas vrai. Et c'est vrai que, non, il y en a un des deux qui est bon. Bon, ben voilà. Et l'autre, bah, il est à RMC. L'autre aussi. Il fait ce qu'il peut, mais il perd pas espoir. Messieurs, j'ai pas dit que c'était un derby. C'est l'heure de Julien Cazard, tout de suite. Ah, c'est l'heure entière? Non, peut-être non, pas. J'ai un peu moins. Maintenant, on y va. Écoutez, je suis très content d'être là déjà. Gignac, alors c'est très important ce que tu as dit, Gilbert, tu t'as dit que Gignac avait trottiné. Oui, alors attention, oui. C'est important pour lui, on dit du trop attelé, parce qu'à partir du moment où tu as une charrette, c'est du trop attelé, hein. C'est important parce que par rapport à Flamengo Trot, c'est important de ne pas se tromper. Vous avez fait le procès les arbitres. Les courses RMC. Oui, les courses RMC, les 13h le samedi. Il y a 300 personnes, mais bon, c'est du business. Et alors, le procès des arbitres, on ne dit pas du mal de la chaîne, pendant que le micro est ouvert. Le procès des arbitres, alors les arbitres qui ne laissent pas assez jouer. Alors attendez, si j'ai bien compris, les arbitres, c'est les mecs qui ont les survêtes et les costards sur le banc. Parce que, excusez-moi, les mecs qui laissent pas jouer, c'est pas les arbitres, hein. Excusez-moi. Parce que même si les arbitres, ils laissent jouer, personne veut jouer en Ligue 1. Donc, qu'est-ce que tu veux laisser faire? Et puis, alors, aussi, on trouve qu'il y a trop de cartons, en Ligue 1 par rapport à la Ligue des Champions. Excusez-moi, Lille contre le Bayern, ils ont pris 6-1. C'est pas un carton, ça? Ça, c'est un beau carton, tu vois. Et c'est pas la faute de l'arbitre. Enfin, ça, c'était un carton jaune, hein. Le rouge, ils l'ont pris contre Borisov. Et, Duhamel. Alors, Duhamel qui a... Excuse-moi de te couper, juste oui. Un petit jeu de mots qu'ont utilisé les Allemands après la démonstration du Bayern contre Lille. Ils appellent ça les Lilleputiens. Oui, ben c'est ça. C'est vrai qu'en même temps, eux, je sais pas ce qu'ils bouffent, hein, mais comment ils font pour être aussi gros, ces Allemands? C'est aussi grand. À part toi, tu n'as rien à voir, parce que toi, c'est hormonal. Alors, Duhamel qui parle à Morel. Alors, toi, alors Daniel, tu trouves que Duhamel, c'est scandaleux parce qu'il dit qu'il lui parle comme un clébard. Mais Morel, c'est un des chiens. Donc c'est normal. Ah oui, ça j'avais oublié. Mais oui, c'est un des chiens, Morel. Il parle comme un clébard. Il a tété là, sur le côté là, à faire des fautes tout le temps. Et les arbitres, alors c'est vrai que vous avez rappelé que les arbitres, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. C'est à ne pas confondre avec Nancy. Nancy, on n'a pas le même maillot, on n'a pas les mêmes joueurs, on n'a pas le même entraîneur, et visiblement on n'a pas la même passion non plus. À tout à l'heure. Non, mais je suis encore abasourdi par la capacité au commerce extérieur des Allemands, puisque même le nazisme est très très bon à l'export, donc c'est très très bon exportateur. Donc franchement bravo à eux. Montebourg, n'a qu'à voilà, en prendre de la graine. Alors, alors Didier Wagon nous a parlé de Sansonnet, de son prénom Roupide. Sansonnet. Je commence par la plus pourrie, pour être tranquille, pour les débarrasser. Alors ça, c'est fait. Chiant d'avoir sur soi. Il vaut mieux se débarrasser très vite. Berlusconi, on parlait de Berlusconi. Alors, on se demandait est-ce qu'en tant que président du Conseil, il était comme un président du Milan. Bah, il était pareil. C'est à Milan, bah, c'est comme à Milan. C'est toi, tu vas là, toi, tu viens ici, toi, tu me fais ça, toi, tu te mets en cette position, toi, tu vas voir mon pote et toi, tu restes là avec ta copine. Voilà, c'était c'est la même manière de gérer. Voilà, sauf que. Alors, lui aussi, dans son cas, quand il y avait des présus, mais lui, c'était dans l'autre sens. Hein. C'était présumé majeur. Donc. C'est un autre chose. Alors après, on avait parlé de l'histoire de la Masia, de centre de formation. Je voudrais juste rappeler que nous, au Paris Saint-Germain, pour les supporters, dont je ne suis pas évidemment dans l'exercice de mes fonctions comme beaucoup de gens ici, avec ce genre de délire, on aurait une équipe Makonda, Mulumbu, Baebe, Yannick Bouli, Loris Arnaud, Boukari Dramé, Partouche Kebano. Je peux te dire qu'à part Paul Le Guen, il y a peu de gens qui y croient, je te le dis, à cette équipe. Mais allez, tentons le coup. Si on est ouf, ça peut marcher. Benitez qui a été conspué. Alors moi en même temps, je vais te dire, je comprends, moi je me mets à leur place. Tiens, imagine que t'es un bourgeois des quartiers huppés de Londres. Tu vois arriver François Hollande, mais tariboule. C'est-à-dire que ce mec-là, il représente tout ce que tu détestes. Mais c'est qu'il ressemble plus à Julien Drey. Hein. Bon, enfin bon, c'est pareil, c'est un rouge. Et les Reds, ils les aiment pas, mais alors les rouges de ce niveau-là, ils sont encore pires que les Reds de Liverpool. C'est les pires des rouges, ça, socialistes. Nancy-Ajaccio, qui était un match, on n'a pas beaucoup parlé de Nancy-Ajaccio. C'est pas. Par hasard, c'est un peu un débit que j'appellerais le je préfère encore Julien Lescaut, qui est une espèce de derby, tu vois, un peu comme ça, c'est à choisir, à ne pas confondre avec Monaco, Clermont. Qui, comme toutes les équipes qui jouent contre Monaco, c'est ce qu'on appelle le c'est qui contre Monaco, puisque franchement, à part cette équipe, tout le monde s'en fout. Monaco, alors on avait parlé de Monaco qui avait des supporters partout. Hein, on avait dit, ah, ils ont des supporters à Clermont, tout ça, mais ça vaut aussi pour l'OM, puisque l'OM, ils ont des supporters à Lille, à Strasbourg, à Lyon, à Toulouse, partout où il y a des maisons d'arrêt. Et donc, vraiment, c'est un club très suivi. Le Paris Saint-Germain. Très très bon club aussi, dont on parle pas assez souvent. Alors on a vu qu'ils arrivaient pas à gagner à 11 contre 9. Et ça y est, on a trouvé, ils arrivent à gagner à 11 contre 3. C'est la bonne nouvelle, contre 3 ils y arrivent. Voilà, donc il faudrait que toutes les semaines, ils jouent à 11 contre 3, peut-être qu'ils s'en sortiraient. Je voudrais parler aussi du nouvel effectif marseillais, parce que vous savez que là, il y en a de moins en moins des joueurs, hein, des joueurs professionnels. On a vu à Brousès, les frères Ayou vont partir à la Cagne, Rémi va partir au Mercato. Donc je vous propose la nouvelle entrée des joueurs à partir du mois de janvier. En numéro 9, Jackie Dumartavin. En numéro 10, c'est capitaine De La Conta. Excuse-moi, De La Conta, il est espagnol ou argentin? Non, c'est Ginette De La Conta. C'est la comptabilité, on l'a mise capitaine parce qu'en ce moment, c'est le financier qui dirige l'OM. Mais rassurez-vous, l'équipe n'est pas au complet, on attend le retour de Stéphane, le postier qui est en RTT. Voilà. Donc ça sera l'équipe forcée habituée très vite. Hein. Et je vais finir avec le Stade Rennais. Stade Rennais, on se demande toujours pourquoi ça marche pas. Tu sais, ils ont dit que ça allait être un acte fondateur, le Stade Rennais, quand ils ont gagné contre Paris, comme à chaque fois les mecs, ils pensent que, puis en fait, ils se prennent une tôle derrière. Et on n'a pas d'ambition dans ce club, et c'est normal. Parce que déjà, quand tu vois le nom du stade, t'as tout compris. Le stade, il s'appelle le stade de la route de l'Orient. C'est-à-dire que t'es la capitale de la Bretagne, et ton stade, c'est un chemin pour aller dans une bourgade de 3500 pecnos. Ah, excuse-moi! Tiens, moi, j'irais imaginer. Tu sais que Rennes, c'est Robin des Bois de la Ligue 1. Ils prennent des points aux riches pour les redonner aux pauvres après. Ah ben voilà, mais c'est joli, magnifique. Non, mais je voudrais que quand même par rapport à ça, je trouve ça calme. Imagine-toi, en tant que domination territoriale, c'est pathétique. J'imagine le stade de Paris s'appellerait le stade du chemin vers Vélizy, par exemple. Non, mais c'est ça qu'ils vivent. Ils vivent. Tiens, allô, bienvenue au stade du chemin vers Vélizy. Voilà, c'est Paris. Et l'OM, c'est l'OM, ça serait le stade. Il s'appellerait l'OM, c'est le stade de l'air de repos avant d'arriver à Aubagne. Ou alors pire, Lyon, ça serait le stade du dernier virage avant d'aller au ski. Et ben voilà. Imagine ça. Voilà, ça c'est leur vie au quotidien, les mecs. Alors, Stade Rennais, respect. Maximum respect pour les gens du Stade Rennais. Voilà. C'est quoi pour Lens? Dernier avant ou trop? Non, c'est quand même. Pardon. Qui a dit ça? On a enfin trouvé le mec qui avait écrit la banderole. On l'a trouvé, c'était lui. Je n'ai jamais eu aucun doute là-dessus. Depuis le temps qu'on le cherche, le mec. L'étude graphologique et les fautes d'orthographe Le corbeau, c'était Fadarmel. Je vais juste finir. En musique, en rappelant ce que disait notre ami Samir Nasri. Musique.